TXT Production, production. Peufra, Peufra. Tous les web, tous les web, tous les web. Je vais tous les web, tous les web, tous les web, tous les web. Je vais tous les web. Quand tu bouges, t'es se fait. On se retourne à The Voice. Quand tu nous fais la The Beat. T'aimes la The Beat, ça se voit. Fuck le cul du game en forme de The Trait. La puissance vient du 80 The Trait. T'as le même flow qu'un mouton sans te taire. 100% Jazzer, il parle sans couper. La concurrence, je vais la défoncer pour entrer dans le game comme un canon sans s'éclairer. À 22 ans, je lis ma vie refrais. Je veux aimer une meuf, viens pour être refait. Y'a celle où je propose un verre de vodka. Et celle où je propose un verre de thé. Toi, je te propose un petit coca pour que t'arrêtes le rap, la putain de ta remet. Du matraquage en radio. Dans la voiture condamnée. T'es toi qui fais la peine mes impros. Bourré en sortant de soirée. De la merde tu te la fermes et t'écoutes. Mec c'est la guerre, nique sa mère serre les couilles. Les concurrents aucune force ils sont où. Viens pas test 93 800 douilles. Air Max au pied je vais les wet. Dégradé blanc je vais les wet. T'es Max au pied je vais les wet. Si t'as des plans je vais les wet. Je vais tous les wet, ra, ra, tous les wet, ra, ra, tous les wet, ra, ra, je vais tous les wet, Air Max au pied, je vais les wet, dégradé blanc, je vais les wet, Air Max au pied, je vais les wet, si t'as des plans, je vais les wet, ra, ra, je vais tous les wet, ra, ra, tous les wet, ra, ra, tous les wet, ra, ra, je vais tous les wet, quand t'as ton ex dans la tête, tu perds du poids, mon ami, souci, quand t'as oseille dans la tête, des ex-mec t'en as mis. La puissance vient du 80 The Trait. Je répète deux fois 9-3 dans la teuté. Les rappeurs la plupart tous des teutrés. Vivent de loin la street mes clips de près. La concurrence je fais la wet. Au bureau de noix délinquance mélange acidulé. Orgement y'a de la beuh, du shit. Et de la blanche à te faire saigner du nez. On rappe et on nique les keufs. Et je suis bien fier de ça. Toi tu rappes pour les meufs. Tu vas peut-être percer par chat. Là j'ai freestyle sur le toit d'un cosmère. La seule personne qui pèse c'est ta grosse mère. Je reste dans l'ombre pour vendre ma crème solaire. Pierre de requin pour la rentrée scolaire. Je vais tous les wet comme la douleur molaire. On va tous aller loin dans la gorge à vos mères. Demain c'est pas loin, c'est juste après minuit. Défoncé, on se lève en fin d'après-midi. Air Max au pied, je vais les wet. Dégradé blanc, je vais les wet. Air Max au pied, je vais les wet. Si t'as des plans, je vais les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Air Max au pied, je vais les wet. Dégradé blanc, je vais les wet. T'es Max au pied, je vais les wet. Si t'as des plans, je vais les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Air Max au pied, je vais les wet. Dégradé blanc, je vais les wet. T'es Max au pied, je vais les wet. Si t'as des plans, je vais les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Ra, ra, je vais tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, tous les wet. Ra, ra, je vais tous les wet.